Hey, prochaine question! Nommez-nous l'émission d'où provient cet extrait. Je voulais avoir de la soupe de tomate. J'ai écrit à Elmer. Directement, monsieur le maire? C'est écrit à monsieur Yves Lévesque. Bonjour, monsieur le maire. J'aimais votre soupe de tomate. La poule aux œufs d'or? C'est faux, droit de réplique. Est-ce que ça serait Ricardo? Non, un autre indice. Beaucoup de facteurs à retenir pour moi. Merci, Jean de Poste Canada. Beaucoup de facteurs à remercier. Beaucoup de facteurs L'épicerie, Guy. Non, droit de réplique. Paquet voleur. Non, malheureusement, on cherchait Assemblage Requis. Assemblage Requis avec Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Ah, c'est fou!